dit, mon petit bonhomme, si tu veux un jour devenir un homme, il faut apprendre à parler comme, à marcher comme, à aimer comme. Moi, je ne sais que chanter. J'ai les cheveux un peu longs et une vieille casquette qui tombe sur mon front. Je jure de ne jamais tuer, ni pendant la guerre, et si un jour il y a la paix. Moi, je ne sais que chanter. La fortune qui les yeux bandés décroche la lune. J'ouvre les yeux sur un monde amer, un monde qui me reproche de voir trop clair. Alors je préfère